coup, j'ai pas rappelé mon pote qui va. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu vas partir en Angleterre? J'ai vraiment un chat bien vraiment quoi. Bonjour. Tu peux monter un peu. Tu peux monter un peu. Il va partir monter en Angleterre. Bon, encore un peu. Bonjour. Mais appelle-le. Tu peux monter un peu. On peut décaler, hein. Tu peux c'est monter pas un problème. Un peu. Ok. Monter encore un peu. Tu peux monter un peu. Je peux monter. On peut monter. On peut monter un. Je peux monter un peu. Un peu. Good evening. On peut monter, oui, est-ce bien monté? Comme il faut. Toi, tu peux encore, encore, encore. With headphone these times. Alors, tu montes pas Moïc de Remix, hein, pour le coup. Là, tu montes juste le pota à côté de ton micro. C'est sur la table. C'est sur la. Sur ta carte son à toi. Hein. Que la sauce monte lentement et sûrement. Ah, c'est très bien. Encore un peu. Encore un peu plus loin. Encore un peu plus fort. Vers l'homogénéisation vers bien. Homogénéité comme une émulsion. Homogénéité, homogénéisation. Oxygénation, carbonation, bien pétillation. J'aime quand il y a des petits bulles qui font que les ferments, que les levures m'entraînent dans d'autres ailleurs. J'aime quand les fermentats, les carbonats. Fermentation. L'agitation des foules. L'agitation, la réincarnation. there, been spending most of the time. Thank you. Gemal. Thank you. civilisation n'est pas la fin du monde, à ceux qui voient l'insurrection comme une brèche. D'abord dans le règne organisé de la bêtise, du mensonge et de la confusion. À ceux qui devinent derrière l'épais brouillard de la crise un théâtre d'opérations. Fort. Trop loin de ton micro. Des manœuvres, stratégies. Possibilité d'une contre-attaque. D'opération. À ceux qui guettent le moment propice. À ceux qui cherchent des complices. À ceux qui désertent. À ceux qui tiennent bon. À ceux qui s'organisent. Right. Thank you. Ah, désolé, je suis avec... Ah, was amazing. I hope gimmick, you'll have a gimmick. Ah, can I do something else? Oh, please let me do it. Ooh, you're too kind. Oh, I love you. Oh, it's shit.